spectacle. Spectacle. C'est fou, 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. David Ferron nous fera connaître ses bons et ses mauvais coups dans les notes salées. Et Alexandra Carignan nous fera découvrir une autre sorte de notes dans la boîte à musique. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 6 octobre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Salut. Passe une belle fin de semaine. Ouais. OK. Pis toi? Ouais. Cool. OK. Bon, donc, bonjour à toi, bonjour à vous les requins. Bienvenue à cette émission matinale en pièces attachées. Aujourd'hui, à l'émission, David Ferron va être là pour sa chronique Les Notes Salées. Il nous présente tout le temps un coup de cœur et un coup de masse, si on veut. Ça, c'est vers les 8 heures. Un coup de poivre et un coup de sel. Ouais, ah, c'est bon ça. C'est au goût, tu sais. Ouais, c'est ça. Au goût du jour. Peut-être un petit peu de cumin. Ouais, des graines de sésame, toujours bon. Oui, c'est vrai. Ouais. À 9h, Alexandra Carignan et sa chronique La boîte à musique d'Alex. Qui va nous présenter un CD ou un artiste, un album. De la musique, si on veut. Hein. Si on veut. Et on veut ça. Même si on veut pas. On va en avoir pareil. Et voilà. Puis on va se rendre compte que ça vaut la peine. Ah, tu le réalises pas avant de l'avoir en face. Donc ça, c'est à 9h. Autour de ça, on va faire nos chroniques maison. On a le bloc pub. Entre les deux chroniques, tantôt. Ouais. Et on va débuter avec C'est un fait dans quelques instants. Que demander de plus? C'est parfait. Ouais, ça moi, ça passe au conseil. Le lundi de même. Ouais. De toute façon, si ça passait pas, faudrait arrêter l'émission. Faudrait aller en conseil, proposer un. Grief, putain. Non! C'est comme nuance. C'est comme nuance de grief, moi. Ouais. On va débuter en musique comme on le fait toujours tous les matins de l'émission, tous les matins de l'année où on est en onde. Et je me disais, on va se réveiller ce matin avec un petit peu de Hop, l'album de Debbie Tebbs. Ah, ben oui. Et sa pièce qui porte le même nom, featuring Mr. Valère, que je suis allé voir en spectacle à Montréal en fin de semaine. Je vous en reparle tantôt. T'es sorti de chez vous? Ça arrive, moi. Surprise. Fait que hop, là, levez-vous, là. C'est le temps. de B-Tabs, la pièce Up featuring Mister Valère, assemblage requis. Wouhou! Ben, tu sais, on va parler de choses là, comme Up, Down, Start, Select, Left, Right. Des manettes de jeux vidéo. Ouais, c'est vrai, c'est des boutons, ça existe, c'est pour vrai. Voici cet effet. Tu chantes pas? Oh! Même, hein? Comment? Elle me reparle le deuxième clip. Qu'est-ce que c'est ça? Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça a l'air bizarre d'une même attente. On va recommencer, ça va être mieux. Ok, chanson. Hey boy. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. Clairement, je sais pas. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Hey, j'ai bien fait de te watcher, ça me tentait vraiment pas de chanter toute seule. Je te comprends, imagine, je chante la chanson d'ailleurs d'aller Pavarès tout seul au Pavarès, c'est fou depuis quelque temps. Puis, Ah, mais ça, c'est ton choix. C'est mon choix éditorial. Bon, donc, on a chanté la chanson, ça veut dire qu'on est prêt à apprendre, Steph? Oui. C'est vrai, ça. Sinon, ça aurait tout gâché, là. Mais je sais pas, on aurait rien compris. T'sais. Comment tu veux savoir le concept d'une chronique si on te l'explique pas en chanson avant? Hein? C'est quoi? Donc aujourd'hui, en passant, Steph, c'est un fait historical edition. Oh! C'est édition historique de cette chronique où on apprend les choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Les Romains faisaient, ou en tout cas, arrangeaient leurs cheveux de façon un petit peu bizarre. OK. Et on l'a appris dans l'histoire plus moderne. En fait, on connaissait pas grand-chose sur les cheveux à l'époque de la Rome antique. Hein? À part que c'était du poil. C'était du poil. Mais en fait, contrairement à la croyance populaire, les cheveux des femmes à cette époque-là, c'était pas des perruques. Il y avait des gens qui pensaient que c'était des perruques parce que c'était très, très, très organisé. Ça avait l'air d'une statue quasiment, les cheveux. OK. Genre. Mais en fait, non, les cheveux étaient tenus en place par des aiguilles et du fil. Ils se cousaient les cheveux. Ça a surpris bien des historiens. Autour du 1er siècle, les femmes romaines donc demandaient à leurs servants, leurs esclaves, d'habiller leurs cheveux. Et cette technique-là créait des coiffures assez particulières. En étudiant les statuettes, les statues, les bustes de l'époque romaine, on peut avoir donc une bonne idée des modes de cette époque-là et des styles de cheveux de cette période-là. Elles sont en fait assez faciles à recréer de nos jours avec du fil et des aiguilles. Dans les bustes et les statues des femmes, on remarquait qu'il n'y avait pas vraiment de bob-épines ou autre truc comme ça. Ouais, des pinces. C'est ça. On voyait pas les outils qui tenaient les cheveux en l'air. C'est comme ça qu'on l'a découvert, que c'était du fil et des aiguilles. Un des avantages de coudre les cheveux, c'est que tout reste en place de façon très, très solide et on peut facilement cacher le fil à l'intérieur des cheveux, ni vu ni connu. C'est comme ça qu'on faisait ça. J'ai quand même de la difficulté à visualiser comment tu peux coudre tes cheveux. Ouais. Peut-être parce que c'était pogné en pain, parce que... Et ça devait rester là longtemps comme ça, parce qu'il devait se laver les cheveux pas mal moins souvent. Ah, ben ça, c'est sûr. Là. Je veux dire, quand tu te couds ça, tu devais garder ça vraiment longtemps. Là. C'est ça. Comme des dreads ou d'autres affaires comme ça, ça... Ça reste comme ça longtemps. Ensuite, le grand mur en Chine, c'est en Chine, ça? Le mur de Chine, qu'on appelle. C'était, ouais, mais ça, c'était en Chine. C'est ça, il y a un mythe qui disait qu'on pouvait le voir de la Lune. Ouais, mais ce mythe-là a débuté en 1754 et il est complètement faux. Ils ont décidé ça sur Terre, puis... Ouais. Ben, en fait, ils ont décidé ça avant qu'on aille sur la Lune, exactement. Donc, quand on cherche sur Google la phrase « Great Wall of China seen from the moon », on a plus de 4 millions de résultats. Et la chose la plus intéressante, c'est le fait que ce faux fait-là a commencé avant même qu'on pense à se rendre sur la Lune. Un homme du nom de William Stukeley a été le... en fait, c'est lui qui a la première apparition de ce mythe-là. Une des lettres écrites en 1754 disait « Le grand mur de Chine est une figure considérable sur le globe terrestre et on peut le voir de la Lune. » C'est ce qu'il disait en 1754 avec des mots un petit peu plus fancy que ça. Mais pourtant, il est juste long, là, il n'est pas haut. C'est exact et il n'est pas très large non plus. C'est même apparu dans Ripley's Believe It or Not et le Second Book of Marvels, le deuxième livre des merveilles. En fait, pour voir le grand mur de Chine, à partir de la Lune, il faudrait qu'il mesure plus de 70 000 de diamètre. Il faudrait qu'il y ait un très grand contraste par rapport à ce qui l'entoure. Alors que le grand mur de Chine fait à peine 30 pieds de large et a une couleur similaire à la Terre autour. Ouais. Donc, on n'arrive pas à le discerner. Pour mettre ça en contexte, la largeur du grand mur tel que vu de la Chine aurait l'air d'être aussi large qu'un cheveu humain à 2 km de distance. Mettons, je te regarderais... OK, pas comme... dans nos mains. Là. Non, non, c'est ça. Si, mettons, tu étais à 2000 de distance, ça aurait la longueur. Kilomètre ou 1000? 1000. Dans ce cas-ci. Donc, ça aurait l'air de ça par rapport à la Lune de façon relative. Bref, on le voit pas. C'est ça. Faudrait avoir une vue 17 000 fois meilleure que la vision 20 sur 20. J'étais un peu déçu. Un peu, hein? C'est plate. Ouais. C'est même... Ça donne plus rien d'aller sur la Lune. Ben non. Nos plans. Nos plans. Ben oui. On voulait faire assemblage requis sur la Lune en direct la semaine prochaine. un petit segment sur Benjamin Franklin. On lui faisait pas confiance pour écrire la Déclaration de l'indépendance américaine. OK. C'est vrai. Donc, la Déclaration de l'indépendance est sans doute un des documents les plus célèbres de l'histoire américaine. Même si on sait que Thomas Jefferson est celui qui l'a écrit, Benjamin Franklin, à l'époque, au départ, devait être celui qui allait l'écrire. Benjamin Franklin, donc, était connu pour son humour subtil inséré dans tout ce qu'il écrivait. Il faisait des petites blagues dans ses phrases. OK. Ouais. Donc, on savait que la nation, le pays, allait lire ce document important-là, la Déclaration de l'indépendance. On a décidé que ce serait Thomas Jefferson qui allait l'écrire pour, justement, qu'il n'y ait pas de blagues à l'intérieur. Benjamin Franklin, par contre, a aidé à faire le brouillon, hein, et c'était la personne la plus vieille à avoir signé le document à l'âge de 70 ans. Ah, mais c'est place, je veux dire, ça aurait pu être drôle là, de mettre un peu de fantaisie dans cet événement-là. De l'ironie, puis tout ça. Ah, ce grand pays, les États-Unis. toujours au sujet de Benjamin Franklin, c'est lui qui a proposé l'heure, ce qu'on appelle le Daylight Savings Time. Ça, c'est l'heure avancée, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on perd une heure? Pourquoi est-ce qu'on gagne une heure? Eh bien, l'idée de la manipulation du temps venait justement de Ben Franklin. Ça a été publié dans le Journal de Paris en avril 1784. Franklin vivait ses dernières années à Paris à l'époque, à l'âge de 78 ans. Il décrivait qu'il remarquait que les Parisiens restaient couchés très, très tard le matin. Donc, ils perdaient des heures précieuses, des heures où il faisait soleil dehors. Donc, ensuite, ils devaient payer de l'argent pour éclairer leur résidence avec des chandelles pour pouvoir rester plus tard debout le soir alors que ils étaient couchés. Donc, Franklin a proposé l'idée, plusieurs idées, en fait, pour contrôler l'heure à laquelle les gens allaient se coucher, dont taxer ceux qui avaient des rideaux sur leurs fenêtres qui ne permettaient pas la lumière d'entrer. Franchement? Ah, la lumière d'entrée. Donc, OK, ça commence ordinaire, là. Ouais, mais clairement, en tout cas, ce que les experts disent, c'est que clairement, c'est évident que c'est des blagues. Dans les textes de Benjamin Franklin, c'était apparemment des blagues. C'est vrai que, ouais. C'était son style d'humour assez subtil. Les gens ne comprenaient pas toujours les blagues qu'il faisait. Genre l'humour que j'aime beaucoup, je trouve. Donc, c'est un de mes potes. Et quelqu'un a pris cette idée-là un petit peu trop sérieusement. Ben, oui. Je veux dire, si tu t'attends peut-être à ça d'un président. Non? Ouais, mais oui, exactement. C'est, tu lui fais confiance. Il a été élu, c'est sûr. La première photo avec des humains a été prise par accident, Steph. Mm-hmm. OK. Ouais. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Ben, tu sais, pas comme un selfie. Non. Hein? Parce que les selfies, c'est un petit peu trop à la mode. Par contre, la première photo avec une vraie personne dedans a eu lieu complètement par accident en 1838 à Paris, en France. Je sais pas si tu as remarqué, là, parce que depuis le début, j'aurais dû le dire parce que j'ai fait l'effort de le faire, mais tout est en ordre chronologique depuis le début de la carrière. Ah, ben c'est intéressant. On est rendu en 1838, j'ai oublié de le préciser. Donc, à Paris, en France, le nom de la photo est Boulevard du Temple par Louis Daguerre. Et c'est la première photo à inclure des humains. La photo avait une exposition, de 10 minutes au moins. Donc, personne n'a été là assez longtemps autour, lorsqu'on a pris la photo avec cette exposition-là, assez longtemps pour être capturé par l'appareil photo, sauf un gars qui faisait, tu sais, un brosseux de souliers. Tu sais, genre les shoe shiners. Donc, et son client, dans le coin en bas à gauche de la photo, eux étaient là pendant au moins 10 minutes parce qu'on les a sur la photo. La photo est en fait un daguerréotype, qui est une plaque assez compliquée, exposée à une feuille de cuivre couverte d'argent, si je comprends bien. Exposée à la vapeur faite par des cristaux d'iodine. Donc l'image ensuite a été renversée et on a dû l'éclairer à un certain angle pour que les parties d'une photo puisse être reflétée sur quelque chose d'autre. C'est un processus super compliqué que je ne saisis pas du tout, mais c'était utilisé régulièrement jusqu'aux années 1860. Ensuite, c'était remplacé par d'autres technologies. Donc, c'est des daguerréotypes. Si ça vous intéresse, d'aller vous renseigner là-dessus. Mais bref, c'était, dans le fond, la première photo d'humain. Mais j'avoue, il faut que tu sois patient. Ben oui, 10 minutes. C'est une photo de famille, là, à Noël, avec les enfants qui courent partout. Mm-hmm. On bouge pas. Ils sont tout en flou, ces photos. C'est ça. Je veux dire... Tu fais des photos quasi instantanées, puis il y a du monde flou dessus. Imagine que ça prend 10 minutes. C'est peut-être pour ça que les gens souriaient moins. Ah, ils étaient tannés. C'est ça. Parce que si, j'imagine que si tu souris au départ, puis que ton sourire descend, à un moment donné, l'exposition fait que ça prend... Je sais pas, hein? Peut-être pas la partie où tu souris. Bref. On passe en 1927, où plusieurs millions de citoyens ont signé une pétition pour adopter le système métrique aux États-Unis. Mais ça n'a pas fonctionné. Ben non, ouais. Le système métrique qui est utilisé partout dans le monde, c'est la mesure officielle de l'univers. De l'univers. Bref, il y a seulement trois pays qui n'ont pas encore adapté le système. Le Burma, Libéria, et les États-Unis. Donc, le système qui mesure, évidemment, basé sur des unités de 10, a été introduit en France en 1799. Le système a officiellement été approuvé pour utilisation aux États-Unis en 1866. Mais ça a seulement été adopté pour les causes scientifiques et médicales, et non pas pour l'utilisation commune. En 1927, par contre, des millions de gens ont signé une pétition demandant au Congrès de passer au système métrique. La pétition, évidemment, a été un échec. Il y a une pétition plus récemment aux États-Unis pour adopter le système métrique. Ça s'est rendu jusqu'à la Maison-Blanche, mais le U.S. Department of Commerce's National Institute of Standards and Technology a donné une réponse formelle expliquant pourquoi le pays n'allait pas adopter le système. Il y a une source qui donne plus d'informations là-dessus. Donc, c'est sur assemblagerequis.com. Mais non. Trop difficile. Trop compliqué. Ben oui, c'est bien plus compliqué d'être à l'inverse du reste du monde, ça. Ben voilà. Et ce qui est frustrant, c'est que au Canada, on est tellement près des États-Unis qu'on a une grande influence. Fait qu'on mélange encore les deux systèmes. Oui, on est polyvalent, des deux bords en même temps. Ben, je sais pas, faut que j'utilise souvent des outils de conversion. Ouais, moi aussi, puis c'est pas facile tout le temps en onde. Non, pour moi non plus, là, mais c'est difficile. Puis tu sais, je veux dire, même, tu veux juste au Subway t'acheter un sous-marin. 12 pouces! C'est même pas dans le système métrique. Ouais, j'avoue ça, au moins dans un restaurant. Que tu vas t'acheter. Hein, souvent, quand tu vas t'acheter un 2x4, là. Oui. C'est pas le système métrique, ça. Ah, mais pourtant, dans le reste de la vie, c'est des litres, puis c'est des millilitres, puis des... Même en cuisine, ouais. Honnêtement, c'est le système métrique que j'utilise toujours. Étrange. Maintenant, on avance tout le temps dans le temps. On y va avec les pierres à feu. Maintenant, pierres à feu. Anna Barbera. J'avais une note sur l'année. Attends un peu. J'avais une note sur l'année de diffusion des pierres à feu. Là. Ouvre-moi donc mes notes. Non, elle n'est pas restée. C'est des années 60. Je crois que c'était en 1960, en fait, les pierres à feu, le début. Anna Barbera, hein, ont créé le très populaire dessin animé Les Flintstones, après avoir été étiqueté comme producteur pour enfants seulement. C'est leur réputation dans le domaine. Donc, ils voulaient augmenter leur démographie là, et se concentrer sur l'émission pour les adultes. À ce moment-là, la télé était de plus en plus populaire et les enfants étaient capables de regarder les émissions de télé par eux-mêmes, voulant dire que les émissions n'étaient pas obligées d'être spécifiquement faites pour la famille au complet. On pouvait faire des émissions juste pour enfants, des émissions juste pour adultes. Ça laissait donc de la place aux pierres à feu, une sitcom pour les adultes. Ce dessin animé-là qui met en vedette Fred, évidemment, un homme travailleur, tout ce que plus commun, qui essaie de ramasser de l'argent pour sa famille à l'âge de Pierre. L'émission qui avait un style humoristique similaire à l'émission The Honeymooners. Donc, c'est devenu un succès. Les gens la comparaient beaucoup à cette émission-là en noir et blanc. Donc, les pierres à feu étaient tellement similaires aux Honeymooners que même Jackie Gleason a considéré de poursuivre Anna Barbera, mais plus tard s'est retiré parce que l'émission était trop populaire. Ah oui, tant que ça. D'ailleurs, il y a eu un film sur les Honeymooners plus récemment. Je connais pas. Non. Donc, pendant les deux premières années de l'émission de Flintstones, les cigarettes Winston étaient co-commanditaires des pierres à feu. Tu savais ça? Oh, ben non. Ben, les vedettes du dessin animé, Fred et sa femme, Delima, donc, étaient en vedette dans des bandes des publicités en noir et blanc pour les cigarettes Winston. Les publicités qui montraient Fred et Delima en train de fumer des cigarettes dans leur salon. Bizarre. Et très heureux. Oui, il y en a plein sur YouTube parce qu'évidemment, quand l'émission est sortie sur DVD ou qu'on la voit en syndication à la télé sur peu importe la chaîne où vous écoutez vos dessins animés préférés, il y a plus évidemment de référence ben non, à ben ça. Non. Donc, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Ah! Ouais, on saute en 1967. Mettez-moi pas une photo d'aile de poulet, je suis à côté de l'article, là, je serais pas capable de le lire. C'est facilement déconcentrable. Facilement. Un premier ministre australien est disparu en 1967, n'a jamais été revu. Oh, c'est triste, ça. Ben oui. Donc, un président, mettons, américain, constamment entouré de ses aides, les services secrets, plein de gens comme ça, ça serait difficile de le perdre. Ouais. Mais un président, un premier ministre australien, Harold Holt, est disparu en 1967 et on l'a jamais revu. C'est le 17 décembre en 67 où Holt, quelques-uns de ses amis et ses gardes du corps sont partis pour Melbourne pour voir Alec Rose, un yachtsman, donc un gars qui faisait du yacht, hein, qui se promenait sur Port Phillip Heads. C'était pendant sa tournée autour de la planète. Bref, Holt a décidé d'aller nager à Cheviot Beach malgré les courants qui étaient très forts à ce moment-là. Et c'était dangereux, il y avait plein de dangers à aller là. Mais rapidement, il est disparu quand il est entré dans l'eau. Et bref, l'alerte a été envoyée pour aller le chercher, les nageurs de la Royal Australian Navy, la police, la Royal Australian Air Force, le personnel de l'armée, des bénévoles sont allés à la plage pour essayer de le trouver. C'est la plus grande recherche, la plus grande opération de recherche de l'histoire australienne. Après deux jours sans avoir rien trouvé, le gouvernement a dû faire l'annonce officielle que Holt était mort. Le leader du Country Party et le premier ministre député à la coalition, Coalition Deputy Prime Minister John McEwen, a été donc assermenté comme nouveau premier ministre jusqu'à temps que les libéraux puissent élire un nouveau premier ministre. Méchante histoire. Toujours aujourd'hui, on n'a rien. Aucune. On n'a pas revu encore aujourd'hui. Ouais. Bizarre. Étrange. Ensuite, les chutes Niagara, pendant 6 mois en 1969, étaient complètement éteintes. Hein? Ouais. Même les grandes chutes Niagara peuvent être arrêtées, comme en 1969, où une équipe d'ingénieurs de la US Army Corps of Engineers l'ont fait pendant 6 mois. Donc, c'est un barrage temporaire de 600 pieds de longueur qui a été fabriqué avec presque 30 000 tonnes de roches. C'était pour diverger ou tasser l'eau, la passer du côté américain au côté canadien de juin à novembre. Il y avait eu des chutes de roches et ça a causé un gros amas. Un tas de roches du côté américain des chutes. Donc, les ingénieurs ont fait un barrage pour pouvoir tasser les roches-là et réparer les différents problèmes qu'il y avait pour empêcher l'érosion future du côté américain. Mm-hmm. Pendant sa période forte, au début de l'été, on peut avoir 225 000 pieds cubes d'eau qui descendent dans la chute à chaque seconde. Et ça a causé l'érosion de 3 pieds de roche par année. Et présentement, en ce moment même... 3 pieds de roche par année? 3 pieds de roche par année. Et présentement, c'est 1 pied de roche par année. Okay. En ce moment-là, en direct devant nous. même avec les humains qui contrôlent le débit d'eau. On contrôle ça, pas le débit Thèbes. Le débit ou la libido. Ou la libido, non plus. Ou le lido. Non, pas tout. Non, pas tout. Donc, on estime que les chutes, en fait, vont arrêter d'exister dans 50 000 ans, à ce rythme-là. Ah, ouais. Même contrôlé par les humains, 50 000 ans. Wow! On continue avec la Deuxième Guerre mondiale. On avance dans le temps, donc en 1972. Bref, c'est pas la guerre qui avait lieu à ce moment-là. Vous allez voir les références. Ouais, j'étais comme c'est ça, les dates sont pas bonnes. Je suis pas bon dans l'histoire, là, mais là, ça marche pas. C'est pas la date, mais on avance là à la fin. Bref. OK. Donc, Shoichi Yokoi était sergent dans l'armée japonaise impériale pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1943, il a été transféré à l'île de Guam. Lorsque les forces alliées se sont appropriées l'île l'année suivante, Yokoi et 10 de ses collègues soldats sont allés se cacher. Avec le temps, ses 10 compagnons sont soit partis ou sont morts, et Yokoi a dû passer les 8 dernières années seul. Le 24 janvier 1972, 27 ans après la fin de la guerre, donc Yokoi a été découvert par deux hommes locaux qui cherchaient des pièges à crevettes. Donc, Yokoi, qui pensait que la guerre avait toujours lieu à ce moment-là, les voyait comme une menace et les a attaqués. Mais voyons donc! Oui, hein? Donc, par chance, ils ont réussi à le calmer sans blessure majeure. Yokoi vivait dans une cave en dessous du sol et utilisait des plantes pour se faire des vêtements. Il allait chercher de la nourriture en chassant. Il a vu des petits... pamphlets dépliants... annonçant la fin de la guerre, mais il était sûr que c'était la propagande par les forces alliées. Il était sûr que c'était... des faux complètement, donc il n'a pas cru ça. Les deux seuls soldats japonais qui ont réussi à tenir plus longtemps que Yokoi, c'était le deuxième lieutenant Hiro Onoda et le privé Teruo Nakamura. Yokoi était tellement loyal envers son pays qu'après être revenu au Japon et après avoir visité le palais impérial, Yokoi a dit, et je cite, « Votre Majesté, je suis de retour à la maison. Je regrette profondément de ne pas avoir réussi à vous servir correctement. Le monde a changé, mais ma détermination pour vous servir ne changera jamais. » Il n'a jamais réussi à rencontrer l'empereur, finalement. Toute sa vie pour défendre son pays. Oh, mais Sumo, il était rendu peut-être un petit peu paranoïaque, là. Un peu, ouais, je pense. Ouais, mais le syndrome, le stress post-traumatisme de la guerre. À un moment donné, je veux dire. Il est resté là longtemps, là. Ouais, 27 ans après la fin de la guerre. Voyons donc. Ensuite, on avance pas mal dans le présent, presque dans notre bloc historique de C'est un fait. On va au 11 septembre. À la fin des années... Oui, de quelle année? En septembre 2001, en effet. Donc, ouais, c'est ça, c'est tellement rendu un classique qu'on ne précise plus l'année. À la fin de l'année 2000, la vedette de film d'action Jackie Chan a eu un cas non seulement de mauvais timing, mais aussi de référence par rapport à la réalité. Chan était supposé commencer à travailler sur un nouveau film d'action nommé Nosebleed, segment de nez, bien sûr, à New York. Le film se déroulait à New York. Le film, en fait, devait mettre en vedette Chan dans le rôle d'un laveur de vitres qui réussit à défaire une attaque terroriste. Donc, le film demandait à Chan d'être un laveur de vitres, comme on l'a dit. Il travaillait sur les Twin Towers, les tours jumelles du World Trade Center. Le scénario faisait qu'il tombait par hasard en gaffant un petit peu sur des terroristes. Les deux tours. Des terroristes qui voulaient détruire la Statue de la Liberté. Pas exactement la même chose. Alors, on devait commencer à filmer ce film-là en septembre 2001. Pour une variété de raisons, par contre, le film a été remis à plus tard et Chan est allé au Canada. Je connais le Canada. Ça me divague mais quelque chose. Pour commencer à travailler sur son film avec le tuxedo. Oui. On s'attendait à ce que ça remette la production de segment de nez à plus tard, jusqu'à temps qu'on ait fini Tuxedo. Donc, on a commencé à filmer Tuxedo le 10 septembre 2001, un jour avant le 11 septembre 2001, pour ceux qui savent calculer. Et on n'a pas besoin de le dire, mais Nosebleed a été annulé après les attaques du 11 septembre. Ouais, j'avoue, ça aurait été de mauvais goût. À peine, tu sais. Si tu veux commencer ou presque terminer à le filmer, peut-être que tu peux tricoter autour de ça puis changer un peu quelques mots puis quelques scènes. Mais c'est parce que déjà, il faut que tu enlèves les tours dans le film. Ben, tu vois, j'imagine que tu peux enlever les establishing shots où tu vois de loin le World Trade Center, parce qu'en tant que tel, une bâtisse avec des vitres, c'est pas très, très reconnaissable. Mais je pense que les vitres du World Trade Center sont rendues quand même assez connues avec les gens qui sont sautés par... Je sais pas si on peut vraiment faire la différence. Vraiment. Mais t'as pas le choix de l'enlever du décor. Non, vraiment pas. Et toutes les références vocales à ça. Et on s'en va dans le... Comment? Il aurait pu doubler par-dessus. Et je suis allée dans la première tour. Non, tu es allée au Chrysler Building. Tu te trompes! On s'en va dans le futur. Les prédictions de Ray Kurzweil. Il a fait 108 prédictions par rapport au futur et 89 sont devenues réalité. Et maintenant, c'est un bon score, ça? Une pas pire moyenne au bat. Hein? Et ses prédictions pour 2029 pourraient vous surprendre. Comme disent tous les titres d'articles boboche sur Internet, la réponse pourrait vous surprendre. Mm-hmm. Vous allez en avoir la gueule à terre. Donc, le futuriste Raymond Kurzweil est connu pour ses livres dans lesquels il fait des prédictions précises par rapport au futur. Ses prédictions... Mathieu, tu vas souper ce soir! Oui, supposément chez Pizza Hut. Donc, il nous explique comment on va grandir, en tant qu'espèce humaine, et l'arrivée de l'intelligence artificielle. Certaines de ses prédictions correctes, et entre autres, la chute de l'Union soviétique, l'explosion de l'Internet à travers le monde une fois que l'Internet sans fil est arrivé. Et ses prédictions pour 2029 ont rapport avec des implants directs dans le cerveau. Donc, ces implants-là vont être communs en 2029, selon lui, voulant dire que ça va être relativement abordable. Les implants vont avoir la capacité, la possibilité de d'amener votre esprit un peu n'importe où vous voulez l'amener. Donc, ce serait un type de réalité virtuelle... qu'on aurait en 2029, un implant dans le cerveau. Sans l'utilisation de lunettes ou d'écouteurs, on serait capable de penser à un endroit, à une situation, à un son, et les signaux vont être envoyés à votre cerveau, vous donnant l'impression de vraiment y être. En plus de tout ça, il dit qu'il va y avoir aussi des implants pour les yeux et ou les oreilles, qui possiblement pourraient être enlevables, et ces implants-là seraient capables d'enregistrer tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. Je trouve ça un peu plus crédible. Oui, tout à fait. Ça l'est facilement. Pas facilement, mais je pense que ça c'est plus près même qu'on le pense. Moi, j'espère qu'un jour, ils vont être capables d'enregistrer les rêves. J'espère aussi. J'aimerais ça revoir ça, moi, le lendemain. Ben, j'aimerais ça me rappeler de mes rêves, genre dans ma vie en général. Tu te rappelles jamais de tes rêves? Aucun depuis minimum 10 ans. Je travaille ici depuis 10 ans, mais est-ce que ça a un lien? T'as plus de rêves! Ah, c'est la faute, c'est fou! Donc, est-ce que les prédictions de Kurzweil sont réelles? Est-ce que sont correctes? Est-ce que sont vraies? On va savoir en 2029. Voilà, c'était le bloc historique de C'est un fait. Super intéressant! Ouais, pas pire quand même! T'as donc bien fait, une bonne job! Ben merci, t'as l'air surprise! tu sais quel instrument me donne l'impression d'être dans un rêve? La harpe, tu pourrais me dire, probablement la harpe. Ouais, un pipeau. Probablement un pipeau en deuxième place. Ouais, mais non, je vais aller en huitième place de mon palmarès des instruments qui ressemblent à un rêve. C'est le pan. La flûte de pan. Pas l'animal. Ah, j'étais pas loin que le pipeau. On écoute Fanny Bloom à Assemblage Rock. Sa cadence. Des fantômes se sont tus et la paix est revenue claire et franche. Alors la lumière est entrée par le bout de tes doigts. La temps sont changés. Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller, mais je ne comprends pas. Au Samy, Samir, prénoms et rangs défendus, j'ai décidé de rendre ce qui ne m'appartenait plus. Et j'ai fait ça pour toi. Samy, Samy de Fanny Bloom, au retour, son fils palmarès, on a le bloc pub dans la prochaine demi-heure aussi. Parfait, parfait. Pour l'instant, léger, un petit temps mort. Mais vivant. Ah, la mort vivant. Ah, pour l'Halloween. Changement. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées, elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, je dois encore une fois avouer mon erreur, c'est complètement ma faute. Le David Ferrin n'est pas là aujourd'hui, il me l'avait déjà dit, ça arrive toutes les semaines. Hey, que... Seigneur! En même temps, tu sais, tellement de monde qui annule puis qui remet à plus tard que je peux pas te les retenir, tu sais. Hein? Non, mais tu pourrais l'écrire. Tu pourrais l'écrire, ouais, où? Où est-ce que je l'écrirais, tu sais? Pèse dans l'oreille. Ouais, j'ai fait ça le dimanche soir. Bref, c'est mon erreur, je m'en excuse, je voulais juste... C'est ne pas le blanc. Ouais, mais t'as un beau t-shirt. Merci. Fait que ça s'annule presque. Hey, justement, ça t'arrive-tu, toi, des fois, mettons, de faire ton lavage la fin de semaine, tu sais? Puis là, tu laves tous tes pantalons, tu sais. Puis tu te ramasses tout nu. Ouais, c'est ça, fait qu'il fait froid, puis je suis en short, mettons, ça t'arrive-tu, ça? Ben, je sais pas, je suis tout le temps en pyjama dans le jour chez nous. Puis quand tu viens animer ici, tu viens aussi en pyjama, tout est parfait. Ben non, mais mon lavage est fait, là, lundi matin. Ah, ok, ok, non, moi, j'ai fait ça hier. Quand t'étais en short, là? Là, je suis en short en ce moment. T'étais en short? T'as pas vu en dessous de la table? Ben, je regarde pas en dessous de la table. Pour vrai, t'es en short? Je suis en short en ce moment. Ouais. Il fait comme 8 degrés, je pense. T'as pas de sécheuse, man? Je m'en suis rendu compte un matin. Fait que c'est ça. Mais c'est pas grave, je me suis dit, il va faire un petit peu plus chaud aujourd'hui. Il va faire comme 13, 14, 15, ah ouais. 16. 13, 14, 15, 16, c'est vrai, ça? Ouais, c'est très chaud. C'est la météo, ouais, c'est fou. Il va faire 13, 14, 15, 16. La bon, météo! C'est ça, on n'a pas de météorologue. Fait que... Regardez dehors. C'est pas notre problème, bon. On n'est pas là pour ça, on est là pour lister des choses. On est là pour faire une liste sur un sujet précis, comme, mettons, son foutu palmarès. C'est son foutu palmarès, la chronique où on établit une liste sur un sujet précis. Et aujourd'hui, comme on le fait à chaque début de mois, c'est, je pense, mon petit bout préféré de cette chronique-là, c'est la liste des fêtes qu'on peut célébrer dans le mois d'octobre. Ah! Toujours la mienne! La mienne! Vendredi! La mienne! Si tu sais pas le jour de ta fête, c'est quoi le 10 de ta fête? C'est le lundi, le 13. Le 13, je t'approche, hein, 10-13. Ah, mais c'est l'action de grâce. Ah, c'est ça. Congé. Ben ouais. Pour moi. Ben voilà. Tellement hot. Comme tu dis. Walking Dead aussi, ça recommence pour moi. Ben d'accord. Je suis tellement hot. T'es tellement hot. C'est grâce à toi. On te remercie, Steph, pour Walking Dead. Donc, c'est la liste des 15 fêtes qu'on célèbre en octobre. Commençons par le 1er octobre, bien sûr. Ce n'est pas la journée du rock. J'ai hâte de voir s'il y a une journée du rock, premièrement, parce que c'est rocktobre quand même. Mais là, honnêtement, s'il n'y en a pas une, on l'instaure. Ah, exactement. On l'instaure. Il y a quelqu'un devant le studio qui me regardait, mais il est parti. Donc, 1er octobre, c'est la journée nationale. Non, la journée mondiale, pardon, des végétariens. Hein? Des végétariens ou du végétarisme? C'est des végétariens, me dit-on. OK. Donc, c'est assez facile de manger sans viande pendant une journée, mais cette célébration est supposée démarrer un mois de végétarisme, de manger de façon végétarienne, et d'encourager un changement qui durerait plus longtemps, à plus long terme. Je me suis rendu compte, justement, cette semaine, j'ai fait une liste de repas pas mal végétariens. Oui. Sans m'en rendre compte. Ça se fait comme tout seul. On mange de moins en moins de viande, puis je trouve ça bien. C'est très bon, en plus. Ouais, c'est difficile en tant que tel. Mais non, en fait, c'est même pas un choix. C'est juste, ça donne comme ça parce qu'on on se rend compte qu'on n'en a pas besoin nécessairement dans un repas. Tu peux trouver tout ce dont tu as besoin ailleurs. Exact. Puis les recettes, mon Dieu, ça va être bon. Ouais. Ouais. Good, comme, mettons, t'en as une comme ça qui te vient en tête. Ben là, moi, j'ai... J'ai comme un gros shitload de betteraves. C'est que tu parles bien, oui. Non, mais c'est pas comme. C'est pas un gros plat, c'est pas une grande quantité. J'ai vraiment un shitload de betteraves. Shitload, oui. Fait que je fais des déclinaisons de betteraves une bonne partie de la semaine. T'as les mains rouges, puis c'est pas parce que t'as commis un meurtre. Non, non, ben oui, mais j'ai tué mais des betteraves. Ah oui. Elles sont vraiment très mortes. Oh, wow. Le 2 octobre, maintenant, c'est la journée mondiale, encore une fois, des animaux de la ferme. Bon, je trouve que ça, c'est une belle continuité avec le premier. Ça a vraiment un lien là, qu'on n'aurait même pas pu prédire, bref. Ah non, puis regarde ça, la belle petite photo des petites vaches qui se collent toutes belles. Là, t'as pas envie de les manger. C'est vrai. Ils sont tellement mignons. Ben, c'est justement une journée de protestation contre l'aspect ferme des animaux de la ferme, les conditions cruelles qu'on a souvent dans les fermes. Donc, un effort par... en fait, on nous dit les fondateurs de la World Farm Animals Day. Je vais dire comme World Farm Animals Day. Donc, il va un petit peu fort dans cette décision-là. Il célèbre la cause le même jour que l'anniversaire de Gandhi. Ah, c'est une bonne idée. Puis à la fin de la journée, on sacrifie une chef, on se fait méchouer. Voilà. Le 4 octobre, c'est la journée nationale. Là, on descend une coche seulement nationale. Des bateaux avec un petit bateau dedans. Hein? Des bateaux avec un petit bateau des dedans. Bouteilles. Je te dis bateau, c'est bouteille avec un petit bateau dedans. Une bouteille avec un petit bateau dedans. Il y a vraiment une journée nationale pour ça? Nationale pour ça, c'est ça rend hommage donc à ce hobby, que je parle mal, ce hobby sous-apprécié de la construction des petits bateaux dans de petites bouteilles. J'avoue que c'est d'ouvrage, hein? Oui, c'est super difficile. J'ai vu les vidéos là-dessus. C'est complexe. Mais de là en faire une journée nationale? Pas sûr, mais en même temps, toutes les raisons sont bonnes pour célébrer, hein? Par exemple, le 8 octobre, c'est la journée nationale d'amène ton petit nounours au travail. Oh! Ben oui. Attends toutes les raisons sont bonnes. C'est mercredi cette semaine. Ouais. On amène notre ours en peluche à l'émission. J'ai pas ça, mais tu peux si tu veux. Pardon? J'ai pas de petit ourson en peluche. Je m'excuse, t'as comme des peluches oui, de Mario. Oui, mais c'est pas des toutous d'ourson. Mais bon, on s'entend, Teddy Bear, c'est relatif. Y a personne qui a un nounours de même. Ah, non? C'est tellement cliché. Ah, ouais. Qu'on amène notre ours en peluche. OK, parfait. Mercredi. Mercredi matin. Il est pas, là. Donc, c'est une fête pour les travailleurs et pas les étudiants, là. Seulement les travailleurs. Non, on sait que les étudiants se pognent le beigne. C'est ça, exact. Ils ont un toutou de beigne, puis ça le pognent, c'est ce qu'on veut dire. T'aimerais ça avoir un toutou de beigne, toi, hein? En effet, avec un petit peu de glaçage ou Boston fouet. Le 11 octobre, c'est la journée de la Southern Food Heritage. Donc, la nourriture qui vient du sud américain. La bouffe du sud. La bouffe du sud. Uh-huh. Voilà. Entre autres, la petite sauce là, sur les biscuits. Tu sais, les biscuits, genre, pas les biscuits biscuits cookies, mais les biscuits et les petits pains. C'est pain sauce, là. C'est dans le sud américain. Pain sauce. Ben, c'est pain sauce. C'est pain sauce. 12 octobre, la journée des grands-mères en Floride. Non, on descend vraiment au niveau local. Donc, oui, dis donc, le district. Ouais, hey, c'est la fête de quartier. Donc, c'est le 12 octobre où on célèbre les grands-mères qui vivent en Floride. Le 15 octobre, c'est la journée du hagfish. T'as oublié le 13, entre les deux. C'est ma fête. Ben oui, excuse-moi. Mais après ça, le 15, on s'en va. J'ai vraiment surveillé la liste, voir si j'en avais sauté un. Non, non. T'es pas sur la liste. Je m'excuse, il faudra écrire à bensonface.com. Donc, le 15 octobre, la journée du hagfish, une sorte de poisson. Donc, un genre d'anguille. Ouais, si c'est donc bien laid. Ouais, en forme de serpent, un peu, une créature gluante. Et ben, elle mérite sa journée. Hein. Ça ressemble à quoi, la célébration de tout ça? Ça dit pas. Ça dit pas. Je sais pas, en effet. Tu fais juste admettre que ça existe. Tu célèbres sa présence sur Terre. Super. Le 15 octobre, c'est la journée nationale de décoration des petits gâteaux. Pas des petits gâteaux, des gâteaux en général. Oh! C'est votre chance c'est de jouer fun. Du glaçage, oui. 15 octobre. C'est en retard pour ma fête, par exemple. 2 jours en retard, il aurait dû te consulter un peu. Le 16 octobre, c'est la journée du dictionnaire. Ah, oh, cool! Oui, on célèbre ça annuellement lors de l'anniversaire de Noah Webster, Merriam-Webster. Tu connais les dictionnaires américains, Merriam-Webster. Américain ou britannique, Merriam-Webster? Aucune idée. Je connais le nom vaguement, mais je pourrais pas te dire. Je vais aller quand même un petit peu voir ça. C'est du Massachusetts, donc c'est américain. Le 19 octobre, c'est la journée où on évalue sa vie. Ah. Evaluate your life day. Bon, on prend un bain des chandelles, une petite bouteille de vin. À peu près ça. Bon, on remet notre vie en question. Une journée d'introspection. Le 23 octobre, c'est la journée nationale de ce qu'on appelle le mole. Okay? Donc, la journée de Pi est très connu et très mainstream, très grand public, donc vous pourriez être intéressé par la célébration d'une journée scientifique moins connue. Le Monday est observé à 6h02. Entre 6h02 du matin et 18h02 le soir du 23 octobre, en hommage au nombre d'Avogadro, qui est 6,02 x 10 à la 23e puissance, ou ce qu'on appelle un mole. Donc le nom, malheureusement, ne vous permet pas de manger grand-chose, contrairement à de la tarte pour la journée de Pi. Hein? Mole, c'est un animal, c'est la marmotte, je pense, mole? Pas marmotte. Non, c'est pas ça pour ça. Mole. La taupe? La taupe, merci. Merci beaucoup. Oui, donc on peut pas manger de taupe, quand même. Pourquoi? Je sais pas. Puis c'est d'autres facile à poigner en plus, t'es aveugle. Le 25 octobre, c'est la journée nationale du pardon. Bon, je te pardonne tout de suite, ça va être fait. De pas l'avoir célébré aussi. Tu peux me pardonner. Le 26 octobre, c'est la journée nationale des belles-mères. OK. Des belles-mères, la mère à ton conjoint-conjoint? C'est exact. Ou belle-mère... Oui, non, c'est ça. L'autre, c'est stepmother, c'est step-mother, ça? Stepmother, c'est demi-mère, genre, si c'est on veut. C'est ça, mais nouvelle c'est, parce femme, c'est parce qu'en français, c'est la même chose. Exactement, incompréhensible, c'est belle-mère par alliance. C'est complètement ridicule. Oh, sérieux. Bon, le 29 octobre, c'est la journée nationale des chats. Oh! Fait que le 29 octobre, on avait notre chaud travail! Il y a pas mal de fêtes associées aux chats dans la vie, mais celle-là, c'est la journée juste où on célèbre les chats en général. C'est moi où le chat qui est sur la photo, c'est genre le plus beau chat au monde? Particulièrement cute, hein? Noir et blanc, avec son petit nez blanc, puis le devant de son corps, mais le reste est noir. C'est... On dirait Batman! Oui, c'est le chat Batman, oui. Il y a un petit casque noir avec le touche la bouche. Là, tu peux pas le reconnaître, le chat, là, il y a une... Un petit casse de Batman. Mais tu sais, est-ce que ce serait Batcat ou est-ce que ce serait Catman? Parce que Batcat serait un chat chauve-souris, puis Catman serait un homme chat. Ça peut pas être Catwoman, ça existe déjà. Non, fait que c'est juste Cat. Cat. Chat. 4-4-4-4-9. Le 30 octobre, c'est la journée. Crée une grande ou une géniale funéraille. What? Parce que t'as juste une chance de créer une funéraille vraiment mémorable. Donc, c'est la journée nationale où on célèbre une funéraille avec le plus de classe possible et le plus de festivités. Déjà, est-ce que ça se célèbre? Non. Ou ça se vit, mon Dieu? Et est-ce que tu choisis la date par rapport à la journée nationale des grandes funérailles? Mais tu peux organiser les tiennes, il manque juste la date. Ah, il y a ça. C'est juste de la créer, pas nécessairement la faire. Non, c'est ça. Ah, on se comprend. Donc voilà, c'est les fêtes à célébrer en septembre. Non, octobre. En octobre, bien sûr, c'est ça, c'est sûr. Fait que le 26 octobre. Oui. Tu sais, tu peux pas fêter ça au mois de septembre. Non. tu suis. T'as bien raison. Le 26 octobre du mois de septembre prochain. On est à l'avance, on est vraiment à l'avant-garde, c'est fou. Fou raide. Alors, on prend une pause musicale. Au retour, on a le bloc pub qui s'en vient. Mais avant ça, tantôt, on a parlé du fait que j'étais... est-ce que j'ai parlé de ça? Oui, c'est de mes shorts. Ouais, que t'étais en short, ouais, c'est un malaisant. Et non en pantalon, parce que j'ai lavé tous mes pantalons cette fin de semaine-ci. Malaisant. Oui, donc, on se souhaite un petit peu de soleil, mais pas du trop mauvais soleil. Bad Suns, salt. Ouais, c'est ça. Lien douteux. Vous êtes à l'assemblage rue. Stuck inside of the wrong frame. I don't feel attached to this name. My body I must reclaim. With different eyes and no shame. Try to just hear me out. Don't ask why, but I'm taking this road. It's alright, it's what I tell myself, but I don't know, no. So I ran till I couldn't, and I screamed. To me, just salt. Look in the mirror and tell me what it is like to be free. How do I grasp reality when I don't have an identity? Can I look through? Cause I'm not like you, and I don't believe in the truth. Cause all of my life's built on lies. So I read. to a grasp reality. When I have not identity. Salt par Bad Sons. Au retour, la chronique et le bloc pub. Et plus tard, Alexandra Carignan et sa chronique La boîte à musique. Pour l'instant, je vous conseille de rester à l'écoute. À Assemblage Requis. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Oh, à maison. Et maintenant, comment? As-tu hésité sur ton nom? Non. OK. Non, c'était plus pour le souligner. Faut que tu fasses une petite pause, parce que sinon, ça passe dans le beurre. Faut que tu le soulignes. Mais oui, mais c'est bon quand ça passe dans le beurre. Ah, miam, oui. Tout est bon passé dans le beurre. ouais, pas tout. Non? Non, pas tout. Je mettrais pas, mettons, ma TV dans le beurre. Oui, mais ça se mange pas. Non, je mettrais pas une page de magazine dans le beurre. Mais ça se mange pas. Je mettrais pas une radio dans tout le beurre. Tout ce qui se mange. Ah, OK, OK, il fallait préciser. Voici le bloc pub. Venez au beau marché. Oui, papa. Tout le monde aime le Greenland. Je préfère le goût de Burger King. I love you and I kiss you. $4.99 la minute. Mais Jojo Savard dans le beurre, par contre. Ça se mange? Ah oui, ça se mange. Oh, ouais, dis de même. c'est le bloc pub où on célèbre la publicité. C'est tout à fait vrai. Parce qu'il y a une chance qu'elle existe, hein, parce que sinon, on n'achèterait rien. Hein. Ben non, c'est ça. On n'aurait pas le temps d'aller faire pipi pendant les émissions de télé. Et de radio et les magazines, parce qu'on parle pas seulement de pub télé, on parle en fait même, je dirais, surtout de marketing en général. Commençons par une bouteille de bière qui débarre un film. OK. Très bonne idée. C'est un studio de design russe, Heads and Hands, qui a trouvé ou de, en tout cas créé une façon inhabituelle et amusante de récompenser ceux qui boivent de la bière Grolsch. Hein, Grolsch. Juste celle-là. Juste leur bière Grolsch. En incorporant un débarreur de film directement dans la bouteille. Donc, après avoir pris votre dernière gorgée, vous pouvez taper sur la bouteille vide. Pas taper sur la bouteille, mais taper votre bouteille vide sur votre téléphone, tablette ou portable pour pouvoir regarder un film. Hein? Tout ça est possible grâce à la technologie iBeacon d'Apple, à la technologie Bluetooth. Et t'as-tu à la... dit iBeacon? iBeacon. Tout le monde doit dire iBeacon en français, je suis sûr. Hein? C'est en plus, ben, tu sais. Quand ils parlent de ça. Mais iBeacon. Donc, et l'application Movie Unlocker. Un beacon est caché... Un beacon est caché en dessous... Y a du beacon dans ta bière? Si seulement. Quelle idée de génie. En dessous du capuchon de la bière Grolsch. Ce qui envoie un signal Bluetooth à l'appareil, ce qui va se connecter au serveur pour débarrer le film. La campagne est tellement un succès que l'agence publicitaire amène le concept maintenant à ceux qui font des pizzas. Donc, il pourrait y avoir des iBeacon. Ah. Elle, là, il y aurait du bacon aussi, par contre. Ça, par exemple, il en faut. Ce serait plus logique. Mais bon. Faut pas que tu te trompes. Non. Faut pas que tu manges le bacon. c'est quoi le mot pour dire bacon en français? Ben, je vais... Parce que je le cherche tout le temps, puis... C'est un genre de... De pas, je vais appeler ça dire n'importe quoi. Pas une puce ou un marqueur. Comme un genre de doigt. Radio fort, qu'est-ce que c'est ça? Un pilote. Un porteur d'espoir, un fanal. Hein? Un fanal? Un fanal. Une radio balise. Ah, une balise? Une balise. Ça veut dire une balise? Oui, balise. Comme du balisage. Ouais. Voilà. Parfait, ouais. Une balise de détresse, des trucs. Ça, ça me convient, ce mot-là. Parfait, ça. Donc, une bière et un film, ça pourrait être avec n'importe quoi d'autre. Ça pourrait être avec... Du popcorn? Du popcorn, hein? Oui. Hein? Quoi? Ouais, ouais. Il y aurait un bacon dans ton popcorn. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? T'as bien raison. T'aimes pas ça? Oui, oui. Du bacon ça dans ton popcorn? Ça donne un film, t'as raison. Ouais. On reste dans la bière un petit peu. Les gens pensent que la Miller Lite rétro goûte meilleur que la Miller Lite normale. Ben, tu sais. C'est bien sûr. Hein? Donc, Miller Lite... qui influence les attitudes des consommateurs. Donc, il y a eu un grand pic dans leur vente en commençant à vendre leur bière dans des canettes des styles années 80. Ça faisait partie d'une promotion avec Anchorman 2, avec Will Ferrell. Donc, il y a eu beaucoup plus de ventes pendant la période où cette canette-là existait. Pas mal de gens préféraient leur bière enveloppée dans quelque chose de rétro, une petite étiquette blanche à la place de l'étiquette bleue, qui est la tradition d'habitude pour Miller Lite depuis quelques années. Donc, c'était... évidemment, une corde nostalgique était pincée. Exactement. Mais aussi, ça la faisait se démarquer du reste des canettes qui se ressemblent toutes en magasin, probablement. Okay. Donc, c'est sûrement un mélange des deux. Mais ça a eu l'effet de faire penser aux gens que le goût avait été amélioré, mais ce n'est pas le cas. Donc, ils ont décidé, la compagnie derrière Miller Lite, de rendre évidemment l'étiquette permanente. Hein. Je pense que ça, c'est assez évident. Ben oui. Ça marche, donc on va le faire toujours. Hein. Donc, ils ont même amené ça à leur bouteille et même au fût dans les bars, les petits leviers de fût. Donc, évidemment, c'est sûr que quelque chose de nostalgique comme ça ne peut pas durer pour toute la vie, même que les ventes ont descendu d'1% pour les 12 mois qui ont précédé le 10 août. Il y a eu une petite chute, donc c'est pas le genre de chose qui peut durer une éternité. Non, c'est normal, t'as un engouement parce que c'est quelque chose de nouveau et tout ça, mais à un moment donné... On va ramener ça à chaque 15-20 ans, et peut-être même que le design de 2014, quand ils vont le rechanger pour du bleu, lui, va être là dans ça va devenir 2034. Rétro. Exactement. Ouais. On reste dans le domaine de la bière avec Corona qui amène un patio ombragé qui ramène le soleil un peu. On va écouter la pub. On le fait une fois de temps en temps. On le fait pas trop non plus quand c'est trop des publicités. Vous allez voir à vlog la semaine prochaine. Mais Corona, dans ce cas-ci, a fait une petite preuve de leur concept. Et on va regarder ça à l'instant même, tous ensemble. Ça s'appelle Extend the Sunshine. C'est pour la Corona Extra Sunbeam. Donc, on ouvre sur un bar et le soleil en plan accéléré qui passe sur le bar. On dit personne aime s'asseoir sur un patio ennuagé. Ben non. Ben non. Des terrasses quand il fait pas soleil. Des terrasses, exactement. Donc, on a fait quelque chose pour changer ça. On les voit faire des plans, des schémas. Oui, on travaillait fort dans rien de tout ça. Ben oui, c'est sûr. On a même des gens qui font de la soudure. On imprime le logo de Corona sur un autocollant qu'on met sur le côté d'un gros camion. Et pas un camion, mais un lift, un truc qui monte ça dans les airs. Et c'est un panneau... Quelque chose de discret. Là. Quelque chose de très discret. C'est un panneau donc qui reflète la lumière sur le bar. Et les gens sont bien heureux d'avoir du soleil. Et voient le logo de Corona, évidemment, sur le côté du lift. Oui, quand où il y a le soleil dans leurs yeux. Voilà. Hop, là, il y a une pitoune qui arrive avec la Corona. La pitoune arrive pour rendre le tout le plus cliché possible. Et les gens prennent en photo le panneau solaire. Ben oui, parce que tu peux prendre ça en photo, ça va pas comme cramer... Et probablement aveugler un pilote d'avion et sûrement tuer quelques oiseaux dans le processus. Corona Sunbeam Extend the Sunshine. C'est-tu cliché, la pub, mais quand même. Ben, pas la pub, mais le spec. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. C'est simple et c'est sympathique. Ça ressemble un petit peu à une publicité pour Corona, en fait, pour la même compagnie. J'en avais parlé il y a quelques mois de ça. C'était un panneau publicitaire sur le bord d'une route où on prenait la lune qui était derrière le panneau et on donnait l'impression dans la pub que la lune était un quartier de lime dans une bouteille de Corona. Ah. Donc, allez voir la petite vidéo. Ça aussi, c'est un autre démo sur assemblagerequis.com. Ensuite, vous avez probablement vu passer ça, mais je vous en parle quand même parce que je trouvais l'idée vraiment intéressante. C'est Revive a Phone. Est-ce que tu as entendu parler de Revive a Phone? Non. Donc, ils proposent eux une solution chimique capable de réparer un téléphone tombé dans un liquide. OK. Peu importe le liquide. Donc, celle-ci est mise à l'épreuve dans un coup d'éclat réalisé par LG2. L'agence a envoyé le musicien Michael Mooney en Australie avec pour mission d'acheter le premier iPhone 6 au monde. Ça, vous avez sûrement entendu parler de ça, l'achat du premier iPhone 6 au monde en Australie. Donc, iPhone qui l'a plongé aussitôt dans un pichet de bière jusqu'à sa mort pour ensuite le réanimer. Donc, Revive iPhone qui a été créé par Oliver Murphy et présentait la version britannique de Dragon's Den, l'émission d'invention. La Radio-Canada, c'est quoi dans l'œil du dragon, du lion, du bouche, du aquarium, du requin? Ouais, c'est ça. Donc, aux États-Unis, c'est Shark Tank, donc genre aquarium de requin. Puis au Canada anglais, c'est Dragon's Den, genre la comment dire? Den, ce serait quoi? Le portique du dragon. Dans l'antre du dragon, dans l'antre du dragon, c'est ce que je cherchais. Je cherchais vestibule ou entrée ou portique. Le porche. Le porche. Le balcon du dragon, tu connais pas ça? Donc, ça a été présenté en janvier dernier, c'est une solution pour réparer un téléphone échappé dans l'eau. Bref, on va regarder la petite vidéo pour qu'on... Ben, peut-être au complet, en tout cas. Moi, non, c'est long. Moi, mais j'ai trouvé bien bon. Donc, c'est Michael Mooney. C'est 4 minutes. Ouais. C'est un peu trop long. On va skipper dedans. Donc, il s'est fait envoyer en Australie pour acheter le premier iPhone 6 du monde. Et ce qu'il dit, c'est évidemment que l'Australie est la première place au monde qui a ouvert, étant donné son les fuseaux horaires et tout ça. Ah ben oui. Bien sûr. Donc, on saute dans la ligne où il offre... on censure la place où il suggère... Où il propose de l'argent à un gars en ligne, le premier gars en ligne au Apple Store, dans un petit quartier, parce que c'est pas le plus gros Apple Store d'Australie, mais c'est un plus petit Apple Store, donc moins de chances qu'il y ait des gens qui se présentent là, c'est ce qui s'est dit. Donc il est arrivé vraiment à la dernière minute, il lui a offert 5 000 $, ça a été censuré, on dit genre bip 1 000 $, mais on le voit mimer le chiffre 5. Et là, clairement, c'est 5 000 $. Donc, il arrive et le jour même de la sortie du iPhone 6, lui, il a même pas eu à attendre en fil. Il fait juste attendre que le gars qui a dormi devant l'Apple Store achète son iPhone, le revend au gars. Et ensuite, on le voit arriver à sa chambre d'hôtel. Et il lâche l'iPhone dans son pichet de bière. C'est vraiment pas correct de faire ça. 2000 personnes attendaient devant l'Apple Store pour l'acheter. On vient de domper dans un pichet de bière. Là, il boit le pichet de bière. Il l'a payé, il fait ce qu'il veut avec. Exactement, tout à fait. Et à un moment donné, la photo commence à disparaître. Et il est mort. Donc, il explique que quand tu mets ton téléphone dans de l'eau ou de la bière, c'est pas le liquide qui fait que tout meurt, c'est plutôt les minéraux dans le liquide. Et d'une certaine façon, ce liquide miraculeux règle tout. Il dit « Je suis pas scientifique, mais c'est ce qu'on me dit. » Donc, il prend une petite pochette, Revive a Phone, met le téléphone dedans avec le liquide, on scelle le tout. On laisse ça pendant 7 minutes exactement. Et quand on l'enlève, on assèche le téléphone pendant 24 heures et tout va bien aller. Donc, il met au soleil. Mais voyons donc. Les 24 heures passent. Ça fait 24 heures que c'est là, en train de sécher. Et il est sec. Alors, on va l'allumer. Là, il fait genre de fausse prière, comme si c'était vraiment une face de... Parce que, oh! Puis là, il fait comme... Oh, wow! Regardez-moi ça! C'est un miracle! Ben, quasiment. Mais c'est ça, c'est un truc scientifique, là, qu'on est vraiment bien en dessous de ça. Puis il appelle sa copine, qui dit, tu devrais trouver une job. Ben, voilà. C'est à peu près ça. 4 minutes résumées en genre 1 minute et demie. C'est pas super, quand même. Pas super. Ouais, la vidéo était longue, mais c'est cool. Et... On voit aussi que c'est le même téléphone, là, parce que des iPhone 6, il n'y en avait pas comme 40 non, sur le marché, exact. Même pas. Là. Exact. Non, c'est Revive Phone. En effet, le concept est vraiment cool. L'idée derrière tout ça est super bien exécutée. Donc, c'est les entrepreneurs montréalais Carl Janel, Francis Desrochers et Jeff Carrier qui ont pris le pari de lancer Revive Phone sur les marchés canadiens et américains. Ensuite... tout le monde peut arrêter de faire des panneaux publicitaires parce qu'on a créé un tableau publicitaire fait entièrement à partir de gâteaux, donc il gagne, je pense. Il gagne automatiquement. Ouais. La meilleure idée donc pour un panneau publicitaire a été réalisée, fait complètement en gâteau. En fait, c'est 13 360 gâteaux. Pour vrai? C'est un confiseur qu'on a appris récemment. Hein? Confiseur. Ouais, ouais. Donc, et non, un confectionneur. Confectionneur. Donc, britannique. La marque, c'est Mr. Kipling et l'agence JWT London qui sont les génies responsables pour ça. Ils ont laissé même tout le monde qui était proche du panneau dans un centre d'achat de Londres à participer dans tout ça en mangeant le panneau publicitaire. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ben oui. Approximativement 7 heures de travail vraiment intense pour assembler tout ça. Avec l'aide d'un artiste culinaire professionnel, Michel Wibowo, qui entre autres fait un portrait de Prince William et Prince George à partir de 16 074 morceaux triangulaires de chocolat Toblerone. Wow. Par le passé, donc une professionnelle. D'autres estimés moins conservateurs placent le total demandé pour construire une seule publicité comme celle-là à 3 jours plus 2 mois de design. Et puis, il y a des compagnies de marketing, évidemment, qui ont travaillé là-dessus. Outside Line, Carrot et Circle avec un K. Donc, c'est un panneau mangeable de Mr. Kipling. Mais là, c'est parce que j'en veux. Oh, c'est beau en plus, hein, les couleurs de tout ça. Elle s'est dit « La vie est bien meilleure avec du gâteau. Life is better with cake. » Tellement. T'as le logo de Mr. Kipling. C'est un genre de, comment dire, un rayonnement de couleurs. Donc, t'as sûrement des gâteaux, je sais pas, mais en tout cas, couleur pêche, couleur rose, jaune. Il y a des petits chocolats aussi, des bouchées chocolatées. Ben oui. C'est réussi. Mr. Kipling. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ensuite, chanter son coupon chez Benny & Co. Tu connais le restaurant Benny. C'est sûr, quand on est plus local, c'est un petit peu difficile de ne pas faire de pub pour eux parce que clairement, vous pouvez aller manger chez Benny quand vous le voulez. Donc, oui. ça peut sonner un petit peu comme de la pub, mais... Faut faire attention, hein? Hein? Il y a deux Benny. OK. Il y a un fraudeur dans les deux. Ben non, dis-moi ça. Il y a deux Benny différents. OK. C'est pas les mêmes. Fait que je sais pas c'est lequel. Ben, il faudrait qu'on en bénisse un. Fait qu'un soit béni. Soit béni. Mais bon, hein. Donc, le restaurateur et l'agence Brad ont réinventé le coupon en proposant aux clients de dessiner, mimer et même chanter celui-ci. Écoutons l'exemple. Ah! Hein? Donc, toutes les appropriations créatives étaient encouragées. Une cliente a même chanté de l'opéra pour obtenir sa réduction. L'idée, c'est qu'on a 30% de rabais. $3 de rabais, c'est pas la même chose du tout, hein? $3 de rabais à l'achat d'au moins deux repas d'un délicieux poulet rôti. Si on dessine, imprime, peinture, écrit, chante ou mime un coupon de $3. Et dans les publicités qui sont visuelles, dans les journaux entre autres, on a un coupon blanc avec des traits d'union. OK, mais t'as pas besoin d'avoir de coupon précis. T'as besoin de mentionner le fait et d'être le plus créatif possible et on va te donner le $3 de rabais sur l'achat de deux repas de poulet rôti. OK, si ça me convient, parce que moi, chanter pour 3$, ça marche pas. Mais tu le dessinerais? Tu ferais quoi? Oui. Tu mimerais? Je sais pas. On pourrait enregistrer une chronique radio pour avoir notre coupon? On pourrait. Chez le vrai Benny & Co. Hey, bon, on le fait tout de suite. OK. Hey, Benny, je veux mon rabais de $3. S'il te plaît, Benny. Merci, Benny. Et voilà. Voilà, que vous soyez Benny. On va j'espérer qu'ils nous ont entendus. Écoutez, là, voilà. On va avoir notre rabais. Merci. Merci, Benny. Dole, les bananes, Dole. Ils ont imprimé des bananes très spéciales pour 200 coureurs du Tokyo Marathon. C'est Dole et Dentsu Y&R qui ont fait les bananes les plus cool du monde. Donc, au Tokyo Marathon, 200 coureurs ont reçu une version personnalisée des bananes Dole avec de l'information comme leur temps, leur durée à l'arrivée, les commentaires de leurs amis sur Facebook, tout ça imprimé en encre mangeable sur la banane, même si j'espère que personne ne va manger à pleurs. Ben c'est non, de l'encre c'est mangeable, mais pourquoi? T'sais? Ça pourrait être de l'encre un peu n'importe comment, mais bon. Ben, si jamais ça passe à travers la pluie, peut-être. J'imagine. Donc, on voulait... on a aussi donné 91 000 bananes aux participants de la course, mais qu'il n'y avait pas cette encre-là dessus. Et selon les mesures de l'agence, c'était un succès incroyable, leur donnant $1.1 million en couverture dans les médias, parce qu'évidemment, leur logo est un petit peu partout affiché. Dole a déterminé les gagnants de ces trophées spéciaux par loterie. Mais même les bananes sans texte complètement ennuyantes étaient disponibles pour tous les coureurs. C'était quand même des Gokusen, c'est-à-dire un type de banane de luxe. Ça peut coûter jusqu'à $12 par bundle de bananes, comment ça s'appelle? Régime de bananes. Pour vrai? Ça, c'est pour les bananes de Gokusen qui ont été données aux autres gens qui n'ont pas gagné le prix. Mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces bananes-là? Ben, ça dit que c'est des bananes de luxe. Ça peut coûter jusqu'à $6 par banane. Ils ont déjà la crème glacée dedans avec la sauce caramel. Peut-être. $6 par banane avec un emballage cadeau spécial autour. Donc, c'est une culture où donner, évidemment, on revient au Japon, là, mais c'est une culture où donner des cadeaux est quand même assez répandue. Les supermarchés vont avoir des cantaloups qui coûtent $300. Et même des melons spéciaux qui sont vendus pour $16 000. Donc, une banane à $6, c'est absolument rien par comparaison, mais c'est commun là-bas des affaires de luxe. Mais c'est vraiment cool, là, comme truc de banane. Je veux dire, c'est un plus beau trophée ever, les bananes. Mais je peux comprendre parce que, apparemment, que Tokyo, c'est la ville la plus dispendieuse où manger. Oh! Oui. Puis, justement, j'ai regardé une émission cette semaine. Est-ce que c'était animé par Gordon Ramsay? Non, et la seule que t'écoutes qui n'est pas animée par... À peu près, oui. Oui, c'est très drôle quand j'ouvre, tu sais, t'as un enregistreur sur le décodeur. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on écoute ce soir? Et c'est tout juste comme une liste de Gordon Cuisine en famille, Hell's Kitchen, Master Chef. Kitchen Nightmare. Oui, en tout cas. Bref, tout ça pour dire que si tu veux acheter une tête de thon rôti, OK, c'est immense, là. Mm-hmm. Mais tu peux acheter ta tête de thon, ça coûte $200 pour acheter ta tête de thon. Aïe, aïe. Mais tu manges pas ça tout seul, là. Parce que je sais pas si tu le sais, mais c'est gros, un thon. Faut pas se fier à la canne dans laquelle ça vient. J'aurais jamais pensé. C'est immense, une grosse tête de thon. Ça, c'est une drôle d'histoire quand même. C'est un petit peu insolite. Là, c'est une chaîne de supermarché britannique, Sainsbury, qui a eu un petit moment malaisant sur les réseaux sociaux cette semaine, ou en tout cas la semaine passée, récemment. Un client a remarqué une pancarte dans la fenêtre qui disait aux employés de squeezer un petit peu plus d'argent de la part de leurs clients. C'est une pancarte qui était placée par erreur dans la fenêtre et qui disait « Le défi du 50 pence ». Donc, encourageons chaque consommateur, chaque client, à dépenser 50 pence de plus pendant chaque fois qu'il magasine entre maintenant et la fin de l'année. C'était une pub pour les employés, pour essayer de leur soutirer 50 pence de plus en achetant un petit produit. « Hey, avez-vous besoin de telle affaire qui est autour puis de la caisse? » Puis c'était mis dans la, la vitrine du magasin. Devant public. C'est une gaffe vraiment majeure. Donc, un londonien, Chris Dodd, a posté une photo de tout ça sur Twitter et ça a été retweeté en date de l'article 5000 fois minimum. Oh mon bien Dieu, sûr. Mais quelle erreur! La honte. Et en plus, en dessous de la photo, t'as le slogan qui est, attends un peu, ça dit « Nous sommes Sainsbury's ». C'est le slogan « Nous sommes Sainsbury's ». Des crosseurs. Non. C'est pas vraiment de la crosse, parce qu'en tant que tel, c'est normal de faire ça du upselling, mais... Oui, oui, mais tu le dis pas. Tu le dis pas clairement au client. Non, non. En tout cas. Donc, l'image a évidemment reçu plein de couvertures dans les médias pour Sainsbury, pas nécessairement positif. Hein? Et puis, ça a inspiré leur compétiteur Lidl UK à avoir un petit peu de plaisir aux dépens de Sainsbury, mais sans parler de Sainsbury. C'est le meilleur genre de référence. Quand tu peux rire de quelque chose sans dire le nom de ton compétiteur parce que ça pourrait leur donner de la publicité pour rien. Donc, une pancarte a rapidement été fabriquée dans Photoshop par Lidl, donnant leur propre défi 50 pence. Et c'est, je cite, « Encourageons chacun de nos adorables clients d'économiser le plus souvent 50 pence possible. » Ouais. C'est le fun. C'est cute. Ouais. C'est très, très cute et ça ne mentionne aucunement le compétiteur. Et tu vois en plus que leurs jolies pièces de monnaie ont des côtés acérés sur leurs pièces au Grande-Bretagne. C'est tellement cute. Leur argent n'est pas ronde. En tout cas, je ne savais même pas. Donc, sans faire référence à son compétiteur, ils se sont fait un beau petit coup publicitaire. Et en plus, ils ont fait quelques points bonus avec leur clientèle qui maintenant les trouve sympathiques. As-tu entendu parler de l'effet Cheerios? Je sais pas, non? Ça joue un petit c'est peu trop, à... Il y a peut-être trop de fibres, là, puis... Ah, drôle. C'est ça, l'effet Cheerios? Non, c'est pas ça du tout. Okay. Non, mais cette campagne publicitaire-là a commencé récemment. Vous avez peut-être vu ça dans les médias. C'est une campagne pan-canadienne signée Cossette et qui repose sur l'effet Cheerios, qui est un vrai phénomène scientifique symbolique de rapprochement. En fait, ça me surprend qu'on ne l'ait pas utilisé avant chez Cheerios. C'est un effet qui se caractérise par la tendance qu'ont les petits objets flottants à s'attirer entre eux, constituant un prétexte parfait pour que la célèbre marque de céréales parle de rapprochement humain. Je pense que c'est même vraiment, vraiment foutrement évident, je trouve. Ben, c'est cute! C'est très cute, par contre. Donc, dans les publicités à la télé, on aperçoit d'abord un plan de bol de céréales ou des voix hors champ placotent. Justement, on va en entendre un extrait. On va entendre, en fait, celle que j'ai regardée en premier. On va en entendre une version courte, une version plus longue. Commençons par l'effet Cheerios ici. Alors, celle-là, je la trouve particulièrement réussie. Écoutons-la. Forme une famille. Au début, on était juste nous deux, mais on savait qu'on avait assez d'amour pour t'accueillir chez nous. Je vais l'arrêter ici. On voit deux Cheerios d'un côté et qui sont déjà collés ensemble et part d'une extrémité du bol, une autre Cheerios qui vient se rapprocher vers les deux du centre. On t'a attendu longtemps et puis un jour, t'es arrivé dans notre vie. Et là, on voit deux pères avec leur petite fille. C'est l'effet Cheerios. Et c'est l'effet Cheerios. Oh. C'est magnifique, c'est super bon. Hein? Plus tard, plus loin un petit peu, on voit l'histoire, celle-là je l'ai trouvée particulièrement cute. C'est l'histoire de deux filles, Annie et Lisa. Feels like love, I don't know how to describe it. C'est une question d'amour, je ne sais pas comment le décrire. It feels like, you know, like home. Et là, on réalise finalement que c'est deux... deux meilleures amies. Et ben là, c'est la version longue un petit peu, donc il y a un petit peu de longueur. Mais la fille de gauche est sourde. Et donc, c'est une relation qui, selon eux, change absolument rien, le fait qu'elle soit sourde. Donc, c'est vraiment une question d'ouverture d'esprit de la part de Cheerios. C'est vraiment très, très cool. Depuis l'année passée, où il y avait une relation familiale multiraciale dans une publicité de Cheerios aux États-Unis, On dirait qu'ils ont vu que ça fonctionnait bien avec le public, que les gens étaient prêts à avoir ce genre de publicité-là. Et là, ils ont comme explosé la formule dans différentes façons. Comme là, c'est une personne sourde, là, c'est un couple gay tantôt. Il y a plein de variations. Donc, allez voir toutes les publicités sur assemblagerequis.com. C'est vraiment très réussi. Très, très réussi. Cool, super belle campagne. Ouais, la version longue, c'est sur le site web de Cheerios, sur l'effetcheerios.ca. Ensuite, les gens se plaignent en ligne pour une publicité sexiste de l'Halloween pour Subway. Ça cause une tempête, cette histoire-là. Ça montre une femme qui mange des sandwichs Subway et je pense qu'elle aussi, ça vaudrait la peine de l'écouter. Et tu vas pouvoir me dire après si toi, tu trouves personnellement qu'elle est sexiste en tant que fille. Moi, en tout cas, je ne veux pas te donner mon avis à la base pour pas biaiser ton opinion. Mais écoutons cette publicité de Subway et je vais essayer encore une fois de vous la décrire en temps réel. Attention, on y va ici. You guys are eating burgers? Hey, on voit trois personnes assises autour d'une table. Un gars et une fille d'un côté qui mangent des hamburgers et une femme qui mange un Subway. Coming. You gotta stay in shape for all the costumes. L'été s'en vient, il faut rester en forme pour les costumes. L'Halloween s'en vient, pardon. Donc l'Halloween s'en vient, il faut être en forme pour ses costumes. Elle se déguise et là on la voit se transformer, se déguiser en infirmière sexy. Spicy red riding hood. En petit chaperon rouge sexy, en viking sexy, en diable sexy, professeur sexy et joueuse de football sexy touchdown. Can we go over the viking lady again? Et le gars demande, est-ce que tu peux reporter l'habit de viking? Et là, on montre des smacks. Lui, il est habillé en viking. En viking aussi. Toi, qu'est-ce que t'en penses de celle-là? Moi, je trouve pas ça sexiste du tout. Non. Parce que si tu veux pas qu'on fasse une publicité avec ces costumes-là, arrêtez de juste vendre ce genre de costumes-là. Parce que c'est les seuls costumes qu'on retrouve sur le marché, c'est des costumes avec des mini-jupes et tout ça. Donc, c'est pas Subway qui est sexiste, c'est l'industrie du costume d'Halloween, ouais, Court. Mais en l'utilisant, est-ce qu'on continue le stéréotype du costume d'Halloween sexy? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Au contraire, moi, je trouve ça ironique comme publicité. Peut-être. En effet, c'est apporté de façon humoristique, mais est-ce qu'on aurait pu faire, sinon, juste à la place, il faut que je garde la forme pour mon costume d'infirmière, mon costume de diable, mon costume de, sans dire tout le temps, sexy à chaque fois? Est-ce que c'est pas un petit peu de pousser l'image de l'objet féminin de faire ça, juste de mentionner le fait que c'est tout le temps un costume sexy. Peut-être que je suis pas assez susceptible, là. Je sais pas. Mais moi, je trouve que c'est plus ironique que d'autres choses. Je joue l'avocat du diable dans ce cas-ci. Sexy. L'avocat du diable sexy. Exactement. T'es avec une jupe courte. Donc, c'était pour vous dire que ça existe, cette controverse-là. Et la publicité, d'ailleurs, dans l'article que j'avais trouvé en premier, avait été retirée de YouTube. Je sais pas si c'est un addon ou si c'est... ou si c'est parce que Subway l'a retiré. Je n'ai aucune idée. Aucune idée. Parlons de sexe un petit peu maintenant, tant qu'à être passé avec la femme sexy. À Viagra, qui montre sa première publicité mettant en vedette seulement une femme, et ça va directement droit au but. Okay. D'habitude, les publicités de Viagra visent tout le temps les hommes. Dans cette publicité de la part de Bibilio pour Viagra, donc c'est la première fois qu'on montre une femme et c'est la première utilisation du mot érection à l'extérieur des effets secondaires. D'habitude, on mentionne érection comme dans « Si une érection dure plus de 4 heures, appelez votre médecin. Ouais, » C'est la seule fois qu'on dit ça. Donc ici, c'est une femme attirante. Évidemment, une femme attirante. C'est sûr qu'on prend tout le temps une femme attirante pour une publicité. C'est un petit peu l'idée derrière la chose. De l'objectification, encore une fois, sinon, de la femme. Sinon, on se demandera pas pourquoi il est prêt du Viagra. Ben voilà. Elle est sur un lit défait ou une sorte de matelas ou peu importe. Et elle dit plusieurs gars ont ce problème, non seulement pour avoir une érection, mais aussi pour la garder. Donc, un représentant pour l'agence BBDO dit que c'est la nouvelle direction qu'a choisi de prendre Viagra et qui focus sur le point de vue du partenaire et non pas de la personne qui prend en tant que telle le Viagra. Grand changement par rapport à leur campagne du passé. On racontait des histoires d'hommes avec des analogies, par exemple un mode bateau qui se levait pour signaliser... une érection. Donc, le brevet d'ailleurs de Viagra qui expire dans 3 ans. Ils vont perdre leur monopole. Donc, c'est important pour eux de changer un petit peu leur principe de marketing pour faire le plus d'argent possible d'ici les 3 prochaines années. Donc, les publicités de Viagra qui avant étaient complètement chastes et complètement calmes et sans être outrantes du tout. Dans ce cas-ci, ils vont un petit peu plus loin et ça les fait se démarquer, nous dit-on. Mais l'article de Adweek.com nous dit que c'est un petit peu cliché. Et pourrait même être encore un autre exemple d'objectification. Donc, on va aller écouter, encore une fois, évidemment, cette publicité de Viagra de la part de BBDO. Avec, en plus, la femme a un accent britannique, nous dit-on, dans la publicité. Donc, ça devrait me plaire. Ça change-tu quelque chose? Non, mais ça devrait me plaire. Ça change absolument rien. C'est un très bon point que tu apportes. Les articles mentionnent toujours soit la couleur des gens le handicap des gens, l'accent des gens, comme si c'était quelque chose qui changeait de quoi. Tu sais, t'as tout à fait raison. Je suis vraiment d'accord. T'es pas plus mongole parce que t'as un accent britannique. Non, c'est ça. On écoute la publicité de Viagra. Je vais la reculer au début, tu sais, pour être sur le compte. Alors, les gars, messieurs. C'est juste vous et votre chérie, votre amour. Tout est parfait. Mais ensuite, une dysfonction érectile se présente. Tout plein de gars ont ce problème. Non seulement d'avoir une érection, mais la garder. Vous prenez Viagra que lorsque vous en avez besoin. Si vous avez de la difficulté à continuer, si vous avez commencé, posez des questions à votre médecin. Ne prenez pas de Viagra si vous avez pris des trucs pour les problèmes de ci, puis de ça, puis d'autres. C'est la moitié de la pub, c'est des informations médicales. Ouais. En plus, là, t'as à voir marcher sur un quai, oui. Sur la plage, c'est beau, là. Au soleil, c'est majestueux. Puis elle marche au ralenti, mais vraiment ralenti. Demandez à votre docteur, votre médecin, si Viagra est correct pour vous. Moi, je trouve ça incroyablement quétaine. C'est vraiment poche. Puis, je m'excuse, mais la fille joue extrêmement mal. Vraiment. Elle a l'air totalement... Je veux dire, on dirait qu'elle attend que son chum ait fini, là, ouais. Que le Viagra agisse. Là, elle passe le temps en tapant de pub. Je sais pas, elle est comme un peu trop intense là, ouais. Dans son jeu. Là. Je l'aime pas bien, moi, cette fille-là, personnellement. Mais bon. Donc, messieurs, Viagra vous aide dans vos dysfonctions érectiles et vous aide à garder votre érection. Viagra, sildenafil citrate. T'as pas besoin de vendre ça. T'en as besoin. Pis... C'est ça. Mais il y a la compétition avec Cialis et d'autres trucs comme ça. Donc, j'imagine qu'il faut qu'il se démarque. Ensuite, une campagne politique, une publicité d'une campagne politique met en vedette un cheval avec une très grosse érection. Ah? Une publicité de campagne pour un candidat au Congrès américain. C'est-à-dire qu'il s'était pas voulu, là. Non, hein? C'est ça. Congrès républicain, de la part des républicains, Gary Keane. Et ça dit que le cheval, en fait, on voit l'affiche dans l'article sur assemblagerequis.com, le cheval a une très, très énorme érection. Ou encore, comme on dit dans les commentaires, peut-être que le cheval est juste en train de faire pipi. Et c'est ce qui arrive quand un cheval fait pipi. On voit son gros engin comme ça. Mais quand même, c'est ça, un ça oubli. Ça doit arriver, ça. Ouais, c'est ça. C'est une grosse gaffe. C'est quelque chose qui est passé à travers un paquet de paliers d'approbation, j'imagine. Mais ça finit quand même. Personne qui a vu ça. On voit à l'avant-plan, c'est des gars qui sont autour d'une, je crois, une voiture. Alors, je pense que c'est un pick-up, un derrière de pick-up. C'est un pick-up, certains, ils ont des chapeaux de cow-boy. Ben oui, c'est ça, c'est des Américains républicains. Oh, oui, c'est ça. C'est-tu dans quel état? C'est-tu pas dans quel état? Hein? Là, Texas. J'allais dire Texas. Il faut pas être cliché, là. C'est clairement républicain, là, c'est pro-vie, puis... Ouais, c'est ça. Repeal Obamacare. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ensuite... On va au Japon, chez Yahoo Japon. Il y a une vente 50%, sauf que c'est pas 50% de rabais, c'est qu'on vous envoie la moitié du produit. Et la prochaine fois que vous allez donc voir une publicité en ligne... Ah oui, c'est lire. Correct. Ça me convient, ça, comme ça moitié de produit. Oh, la première photo, c'est un demi-habit à la verticale. Donc, on voit le gars nu à sa droite, ben, à notre gauche. Il y a des bobettes. Moi, je trouve qu'il aurait pu mettre ça comme... 50% de toutes, là? Je veux dire, il y a la bobette au complet, là. C'est quoi ça? Yahoo Shopping, donc. Non, division... mais assume-toi dans tes propos. La division japonaise a présentement une campagne promotionnelle faisant la promotion de 50% sur plusieurs articles, des habits, des vélos, des électroménagers. Mais la trappe, c'est que les prix sont pas coupés en deux, c'est les articles qui le sont. Et Yahoo est en partenariat avec la compagnie Berg Hamburg Berg pour leur 15e anniversaire. Et c'est une vente qui existe vraiment. C'est pour vrai, c'est pas des blagues. Okay. Donc, il y a la moitié d'un vélo qui est à vendre. T'as la moitié d'un aspirateur qui est dans le fond juste le manche, pas la machine. C'est très drôle parce que t'as vraiment comme le prix qui est barré. Ouais. T'as le même prix, mais la moitié de l'item. C'est ça, c'est 6800 yens que vous l'achetiez au complet ou juste à moitié. C'est parfait comme campagne. C'est Yahoo Japon. Ah, c'est très, très drôle. Toujours côté moitié de quelque chose, c'est une compagnie qui vous offre un produit à moitié prix si vous envoyez une capture d'écran d'une vidéo qui bouge très, très vite sur Instagram. Donc, c'est un petit jeu social. Avec des vidéos sur Instagram et la fonctionnalité de capture d'écran de votre téléphone. Vous savez, si on tient deux boutons ensemble, ça prend une capture d'écran, l'envoyer dans votre photo tech. Donc, l'agence publicitaire Forsman and Bodenfors pour un magasin, un grand magasin en surface suédois. Donc, le revendeur qui s'appelle Hallens a posté 3 vidéos sur Instagram en stop motion, mettant en vedette plusieurs produits, des vêtements, meubles, maquillage et plus, qui flashaient à une vitesse accélérée. Si on pouvait capturer n'importe quel article dans une capture d'écran sur son téléphone et ensuite on l'envoyait avec un hashtag sur votre compte Instagram et qu'on présentait le post sur son téléphone à la caisse enregistreuse, tu comprends le principe? Donc, capture d'écran. Ah, oh, c'est compliqué. Hashtag sur Instagram et ensuite tu montres ton hashtag avec Instagram sur ton téléphone à la caissière. C'est au caissier. Donc, tu avais la moitié du prix qui était enlevé. Voilà. C'est vraiment compliqué pour rien, hein, ça. Ben, pour la moitié, ça vaut la peine. Oui, c'est quand même pas si pire. C'est pas comme 3 piastres. C'est ça. Puis, tu sais, c'est dans un grand magasin. C'est pas comme un concours qu'on nous a proposé à C'est Fou. C'était de tweeter une parole inspirée par une chanson d'un artiste et l'hashtaguer avec le hashtag de C'est Fou et de la compagnie qui nous avait envoyé cette promotion-là. Et là, on avait peut-être la possibilité de gagner un album. Ça, c'est compliqué, puis tu le feras jamais, tu sais. Pour 50% de rabais, c'est trop d'ouvrage. Là, tu le fais. Ensuite, c'est... Alors ça, oui, le gestionnaire de marque pour une compagnie de balayeuses a eu une très bonne idée. En fait, c'est une cascade pour tester les capacités de son produit. C'est Bissell Canada et l'agence KBS Plus Toronto qui a décidé de mettre les plus récents aspirateurs à vapeur. En fait, c'est pas un aspirateur quand c'est à vapeur, hein. En tout cas, l'objet de nettoyage à vapeur. Donc, le passé au test ultime. Le Senior Brand Manager, donc gestionnaire de marque senior, Ravi Dalchine, a créé un petit carré sur le plancher de la station de métro la plus occupée de Toronto. Il a passé l'objet d'aspiration et de nettoyage. Il a nettoyé, voilà. Tuer les bactéries. Il a lancé des pâtes par terre et les a mangées. Et en plus, après ça, passer son pain pour prendre les dernières traces de sauce. Je m'excuse, mais même si ça tue 99,9 % des germes, ouais, selon leur dire, ouais, je ferais pas ça. Pas sûr, moi non plus. Est-ce qu'on écoute l'extrait? Ça va être la même chose que ce que je viens de dire. Ça changera absolument rien de le voir. Sûrement pas. Attention. Bissell Symphony dans le métro. Tout le monde marche. On dit en fait qu'il y a 400 000 personnes qui marchent dans la station Bloor à chaque jour. 93% des souliers dans la vie en général ont des matières fécales dessus. 93%. Donc on les voit passer l'appareil de nettoyage. En fait, je pense que c'est un aspirateur et un truc à vapeur en même temps. Mais bon. Donc c'est fait un petit carré, semi-carré. Faut que tu crois vraiment en ton produit. Hein? Vraiment. Ou encore que tu en prennes une pour l'équipe. Là. Tu sais, que ça te dérange pas de tomber malade. Tu as fait un coup publicitaire. T'es payé vraiment cher. C'est ça. Donc, c'est un plat pour emporter de pâte qui est lancé à terre dans un petit styromousse polystyrène. Il mange ça. À même ses mains. Hein. C'est même pas lavé les mains. Il a sûrement passé en dessous de sa balayeuse. Ouais. Et là, il sort un bout de pain. Trempe tout. Mais tu vois qu'il pèse pas fort. T'sais. Il fait juste comme... Peser pas fort ou pas. C'est ça. Non, je sais. Senior Brand Manager for Bissell Canada. Je suis Ravi Dalchine de Bissell Canada. Je suis fier de me tenir debout derrière mon bras de vie. Non, voilà, c'est... Tu vois, les gens sont sur le bord de vomir. Mais ça a fonctionné. Ça fonctionne très, très bien. Voilà, c'est tout pour le bloc pub. Au retour, on revient avec notre ami Alexandre Carignan. T'arrêtes ça juste avant le chat? Ouais, mais j'ai pas le choix. J'ai vu Alex. Puis je veux pas qu'il faut perdre son temps. Ouais. Pauvre petit chat. Désolé, la semaine prochaine, mais la prochaine fois qu'on fera cette chronique-là, ça dépend quand, on sait jamais trop. Dans la prochaine édition du Bloc Pub, on parlera de chat. Hein? Autour, c'est la boîte à musique d'Alexandre Carignan. Restez là, semble logique. De découverte. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis avec Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plante. Ah, en effet, on accueille notre très gentil, très sympathique, très belle collègue et ami, Alexandre, genre beurre épais, hein, on dirait que j'ai pris genre une station de métro, que j'ai passé le Bissell dessus, que j'ai pris mon morceau de pain, que j'ai trempé dans des pâtes aux tomates. Référence à la chronique d'avant. Voici la chronique La boîte à musique d'Alex. Thank you.

un peu off-stream, là, disons, mettons. Ouais, mettons. Mais super intéressant, avec des œuvres d'art qui expliquent ça. Eh bien, au café, Café-Galerie Le Maudit, ils reçoivent les écrivains de Je suis venu et c'est carte blanche. Donc, ça va être une soirée très intéressante. Moi, je peux pas y aller, je suis vraiment déçue parce que je pense que ça va en valoir la peine. Alors, Café Maudit, 8h, samedi. Alors, j'ai occupé toute votre semaine. Oui, pas pire, hein? Pas pire. Voilà. Merci, Alexandra Caillan. Ça fait plaisir. On te retrouve lundi prochain, 9h. Oui. Ça te va? Oui, ça, ben, cool. Oui, ça me va. C'est dans ton agenda. Tu mets pas ça sur la liste de choses à faire. À écouter, lundi prochain. Lundi. Tu finis ta chronique avec ça, ce serait pas pire. Donc, lundi Alexandra Caillan, la boîte à musique et ta chronique sur les comédies musicales au Dîner de cons. Oui, mercredi à midi. Voilà, c'est dit, merci. Ah, c'est de retour, ça? C'est de retour depuis début de mois. Depuis. Faut pas manquer ça. Mais je savais pas. Pourquoi personne m'a averti? Ah, on oublie des plugs des fois à la fin des chroniques. Hein? Et tabarouette. C'est ma faute. Ça, je devrais tout plugger. Toute la vie au complet, la plugger. Tiens, veux-tu que je te fasse une plug? Oui, donc. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Mais c'est pas une plug, ça, c'est une déplug. Veux-tu que je t'en fasse d'abord une autre, une plug plus positive? Moi? Hein? On est de retour demain. Ah, oh, phew. Entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes. Génie en liberté commence à 9h30, à l'émission d'actualité et d'information. 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, c'est le début de la nouvelle émission d'actualité étudiante, Les coups des franches. Ensuite, à 16h, Les précieuses ridicules. 17h, Allez-vous ouvert. 18h, Palmarès du monde avec David Ferron. 19h, Le voyage insolite. Et 20h, Rock de neurones, cifou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusion. Demain, à l'émission, on a Chantonne Rioux avec sa chronique plein air. Ah! Et la chronique de bouffe malsaine. Une grosse pointe en adresse. Bon. Hey, un mot du bon show. Ouais. On remercie Alexandra Carignan. On remercie toi, Stéphanie Paradis. Ah ben oui, merci Mathieu. Merci. À vous les requins. Merci à toi, Steph. Encore oui, tu l'as dit deux fois. Deux fois. Ouais, c'est... Plutôt que. Non, c'est pas supposé comme jamais 203. Trois. Deux. Un. Un. Ah, c'est fini. À demain.